Anne-Marie, tu entends de partout. Anne-Marie, que je suis laid comme un poumet, si tu ouvres un peu les yeux. Venger un peu du passé. Des démons frisés et carrés. Oh yeah. Woo. En Pologne ou à Cuba.